الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، لقد مر بنا جميعا موسم عظيم، موسم عظيم من مواسم الخيرات والطاعات والقربات، فيه اجتهد المسلم في طاعة ربه عز وجل، وفي طلب مرضاته تبارك وتعالى. وهذا أمر عظيم مهم وجيد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أجمعين القبول، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا وأن يتوب علينا. لكن ينبغي على المسلم أن يتنبه لأمر عظيم، ألا وهو: وإن ذهب شهر رمضان فإن الله سبحانه وتعالى هو رب رمضان ورب شوال ورب الأشهر كلها، فعلينا أن نداوم على طاعة ربنا تبارك وتعالى. وقد أمر ربنا سبحانه وتعالى بذلك في القرآن الكريم، فقال تبارك وتعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال سبحانه وتعالى في القرآن المجيد: اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فهذا أمر من رب العظيم إلى عباده بالمداومة على طاعته وامتثال أوامره واجتناب معاصيه. وفي شهر رمضان يستفيد المسلم دروسا عظيمة وعبرا جليلة، فرمضان مدرسة تربوية مباركة طيبة جامعة للخير، بها ينشط المسلم طيلة سنة وطيلة عمره. فشهر رمضان أو في شهر رمضان المسلم صام لله عز وجل، وانتهى عما كان مباحا له في سنته من الطعام والشراب وسائر المفطرات. أما الصيام عن الحرام يا عباد الله فلا ينتهي بانتهاء شهر رمضان، بل يجب الصوم عن المحرمات طيلة عمر الإنسان، لأن الصوم لغة والإمساك. فالامتناع بالعين واليد واللسان والقدم وما إلى ذلك عن المحرمات هذا أمر مطلوب في الأشهر كلها وفي حياة الإنسان كلها. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. والصائم يتعلم مراقبة رب العالمين، فما منعه من الأكل والشرب خفية عن الناس إلا مراقبة الله سبحانه وتعالى. فهكذا في السنة كلها وفي حياته كلها يعلم أن ربه عز وجل يسمعه ويرى، فينتهي عن معصيته ويمتثل أوامره سبحانه وتعالى. ومن الدروس المستفادة من شهر رمضان حسن الخلق، حسن الخلق. ففي شهر رمضان يتصبر الإنسان ويصبر على أذى الناس، فهكذا طيلة العمر يصبر الإنسان ويتحلى بالأخلاق الطيبة الجميلة. وفي شهر رمضان يجتهد الإنسان في دخول رحمة الله سبحانه وتعالى وفي نيل عتق العتق من النيران. فهكذا في سائر أيامه يجتهد في طلب التوبة وفي نيل رحمة الله واسعة مغفرته عز وجل. وهكذا شرع الله سبحانه وتعالى لعباده الصوم في شهر شوال صياما متطوعا يزداد المؤمن قربا إلى الله سبحانه وتعالى، أو قربة إلى الله سبحانه وتعالى. فقد ذكر أبو أيوب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام ستا من أو من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، أي كأنه صام السنة كلها، لأن الحسنة بعشر أمثالها. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صالح الأعمال، وأن يعفو عنا وأن يتجاوز عنا. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous avons tous atteint le meilleur mois de l'année, le mois de Ramadan, le mois béni et aimé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce mois durant lequel les musulmans ont fourni de nombreux efforts dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala et la recherche de son agrément, que ce soit dans le jeûne de ces jours ou bien les prières de ces nuits. Mais il y a un point très important qu'il nous faut toujours avoir présent à l'esprit et dans nos cœurs. Ce point important est que l'effort, certes, durant le mois de Ramadan, a la plus grande importance, mais que l'effort dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa soumission et la recherche de son agrément ne s'arrête pas de par le départ du mois de Ramadan, mais il doit plutôt continuer, et cela tout au long de l'année et tout au long de la vie de l'homme. Car certes, si Allah azza wa jal est le Seigneur du mois de Ramadan, c'est également le Seigneur du mois de Shawwal, et également le Seigneur du mois ou bien de l'ensemble des mois de l'année. Ainsi Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne la continuité et la régularité dans son adoration et son obéissance dans plusieurs versets du Coran. Il nous dit subhanahu wa ta'ala, selon la traduction des sens de ce verset: et adore ton Seigneur jusqu'à ce que la certitude te vienne, c'est-à-dire la mort. Et dans un autre verset, toujours selon la traduction des sens de celui-ci: ô vous qui avez cru, craignez Allah d'une crainte véritable et veillez à ne mourir qu'en pleine soumission, c'est-à-dire soyez constants dans l'adoration d'Allah et préparez-vous à sa rencontre à chaque instant, à chaque moment, en prenant vos provisions, en lui obéissant et en s'éloignant de sa désobéissance. Et certes, le mois de Ramadan est une école remplie d'enseignements et de leçons. Parmi ces enseignements et ces leçons qui doivent être des provisions pour nous les musulmans tout au long de l'année et nous aider à faire des efforts tout au long de l'année, le fait de savoir que le jeûne et le fait de s'abstenir, de manger, de boire et de ce qui annule le jeûne, ça c'est le jeûne du mois de Ramadan. Quant au siyam de la vie du croyant, c'est-à-dire l'abstinence et la retenue, ceci ne s'arrête pas avec le départ de Ramadan, mais on doit s'abstenir de par notre langue, de par notre cœur, de par notre regard, de par nos mains et nos pieds, de faire ce qui déplaît à Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela doit être tout au long de l'année et tout au long de la vie de l'homme. Aussi, le croyant, durant le mois de Ramadan, apprend à ressentir la surveillance d'Allah. Apprend à savoir qu'à chaque instant, Allah le voit, l'entend et le surveille. Car rien n'empêchait le croyant, lorsqu'il était seul durant la journée de Ramadan, de manger et de boire. Si ce n'est le fait de savoir qu'Allah le voit, Allah le voit, Allah le surveille, alors il délaisse cette désobéissance durant la journée de Ramadan. Ainsi, après le mois de Ramadan, il délaisse le péché, car il sait que même après Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala le voit, l'entend et le surveille. Ainsi, le croyant apprend l'ihsan, l'excellence dans l'adoration d'Allah azza wa jal, et à savoir qu'Allah le voit et le surveille à chaque instant. Aussi, le croyant, durant le mois de Ramadan, apprend à préserver ses prières en groupe à la mosquée et à ajouter des actions recommandées. Tout comme après le mois de Ramadan, il préserve ses obligations. Il continue de venir à la prière en groupe. Il continue d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme il lui a commandé, en ajoutant des actions non obligatoires. C'est pour cela que le prophète alayhi salatu wassalam nous dit que celui qui jeûne le mois de Ramadan, puis fait suivre cela de 6 jours du mois de Shawwal, il ajoute après avoir jeûné le mois de Ramadan, 6 jours de jeûne du mois de Shawwal, cela sera pour lui comme s'il avait jeûné toute l'année. Cela car chaque action équivaut à une récompense qui sera multipliée par 10. Ainsi, en jeûnant le mois de Ramadan, c'est comme s'il avait jeûné 300 jours. Et en ajoutant les 6 jours de Shawwal, c'est comme s'il avait jeûné toute l'année. Qu'en est-il de celui qui fait cela chaque année? C'est comme s'il avait jeûné toute sa vie. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Dans le mois de Ramadan, chaque nuit, Allah Azza wa Jalla a franchi des serviteurs du feu de l'enfer. Et durant l'année, on doit chercher à être affranchi de l'enfer. En se repentant à Allah Azza wa Jal et en cherchant sa miséricorde. Aussi le prophète alayhi salatu wassalam nous dit qu'il n'y a pas un jour durant lequel Allah sauve plus de serviteurs de l'enfer que le jour de Arafah. Et toute l'année Allah Azza wa Jal accepte le repentir de ses serviteurs. C'est donc l'école également du repentir. On doit rechercher à revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète alayhi salatu wassalam nous montre que nous les musulmans nous avons 2 fêtes dans l'année. Eid al-Fitr wa Eid al-Adha. La fête qui marque la rupture du jeûne du mois de Ramadan qui a eu lieu il y a une semaine. Et la fête durant le mois du Hajj, le 10e jour de Dhul-Hijjah, le jour du sacrifice. Et la joie du croyant est toujours rattaché à l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Remarquez que ces 2 jours de fête ont lieu après 2 grandes adorations. La première est un pilier de l'islam, le jeûne du mois de Ramadan, Eid al-Fitr. Et la deuxième est également un pilier de l'islam, Al-Hajj, lorsqu'il y a Eid al-Adha. Et le croyant se réjouit, et il n'y a pas une chose qui le réjouit plus que le fait de se réjouir de l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Et la joie du croyant n'est pas comme la joie de l'autre. La joie du croyant est rattachée à l'obéissance d'Allah Azza wa Jal et rattaché à la joie du fait d'avoir adoré Allah, d'avoir jeûné Ramadan, et rattaché au fait de s'être soumis et d'avoir obéi à son Seigneur. Et il n'y a pas une chose qui réjouit plus le croyant que son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Il se réjouit de la seigneurie d'Allah, d'avoir comme maître, comme créateur et comme seigneur unique, Allah subhanahu wa ta'ala, le maître des mondes. Il se réjouit de se soumettre à une divinité unique, et de ne se prosterner que pour lui, que devant lui, et de ne sacrifier la bête qu'en son nom et que pour lui, de ne jeûner, de ne prier que pour lui, tabaraka wa ta'ala. Il se réjouit de savoir que son Seigneur a la perfection absolue. Il se réjouit des noms d'Allah et de ses attributs. Il se réjouit de mettre en pratique sa religion subhanahu wa ta'ala. Et parmi les choses qui réjouissent le plus le croyant, c'est le fait de se corriger et de délaisser les péchés. Après avoir délaissé les péchés dans le mois de Ramadan, il fête cela yawm al-Eid. Et comment est-ce qu'il pourra ne pas se réjouir de la sorte alors qu'Allah Azza wa Jal lui-même yafrahu bi tawbati 'abdihi. Allah se réjouit du repentir de son serviteur, encore plus que l'un d'entre nous qui était dans un désert avec sa monture, sur laquelle il y a sa nourriture et sa boisson, puis il la perd. Alors il se met à l'ombre. Alors il se met à l'ombre d'un arbre en attendant la mort. Il s'assouplit en ouvrant les yeux, il voit sa monture. Par excès de joie, il dit « Allahumma anta abdi wa ana rabbuk ». Par excès de joie, il dit « Oh Allah, tu es mon serviteur et je suis ton Seigneur ». Il s'est trompé tellement il était heureux. On doit se repentir et on doit se réjouir du délaissement des péchés. Et si les pécheurs avaient connaissance de la joie qu'Allah met dans le cœur du serviteur lorsqu'il se repent, ils auraient accouru vers le repentir. Car la joie du repentir est bien plus intense que la joie du péché et de la désobéissance. Cette joie se fait suivre du châtiment et de nombreuses peines. Iyadan billah. Quant à la joie du repentir, elle se fait suivre de l'agrément d'Allah, de sa miséricorde et de son pardon. Et sachez, mes chers frères, que le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, le jeûneur a deux joies qui vont le réjouir. La première, lors de la rupture du jeûne, le jour du Eid. Et la deuxième, lorsqu'il rencontrera Allah. Lorsqu'il rencontrera Allah. Le paroxysme de la joie aura lieu, non pas le jour du Eid, ça c'est dans ce bas monde, mais lors de la mort du serviteur. Allah subhanahu wa ta'ala lui enverra des anges qui vont descendre sur lui et se succéder les uns après les autres pour lui dire « Allah tahafu wa la tahzanu » Ne soyez pas tristes, n'ayez pas peur et ne soyez pas tristes, n'ayez pas peur de ce qui vous attend. Vous avancez vers le pardon d'Allah, sa miséricorde et son paradis. Ne soyez pas tristes d'avoir délaissé vos familles, c'est Allah Azza wa Jal qui les préservera. « Inna alladhina qalu rabbuna Allah » ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. Tout comme le croyant se réjouissait d'avoir jeûné et d'avoir adoré Allah dans ce bas monde au moment de mourir, il aura une joie très intense lorsque les anges vont descendre sur lui pour le tranquilliser, pour l'apaiser et lui annoncer la bonne nouvelle du paradis. Ensuite, le croyant aura une autre joie lorsque son âme va sortir et que l'ange de la mort va la faire sortir avec les anges de la miséricorde. Cette âme aura une bonne odeur et les anges vont venir tous pour la prendre les uns après les autres et monter avec elle au premier ciel jusqu'au deuxième et ainsi de suite. Et ils feront ses éloges. Quelle est cette bonne âme? Elle aura la meilleure des odeurs. Et ils auront des kafans du paradis. Et ils monteront avec cette âme. Et au final, on renverra cette âme dans sa tombe. À ce moment-là, une deuxième grande joie, lorsque deux anges lui viendront, le feront s'asseoir et lui demanderont trois choses. « Man Rabbou, qui est ton Seigneur ?» Il répondra « Rabbi Allah, mon Seigneur est Allah. » Ma dinu, quelle est ta religion? Il répondra, dini al-islam. Ma religion, c'est l'islam. Et ensuite, on lui dira, wa ma taqul fi hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum? Fayaqul huwa Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Fayaqul la fayuqal lahu, wa kayfa 'alimta dhalik? Fayaqul qara'tu kitab rabbi wa saddaqtu bihi wa amantu bihi. On lui dira, comment as-tu su que c'était Mohammed le messager d'Allah? Il répondra, j'ai lu le livre d'Allah et j'ai cru. Alors on entendra une voix dire, An sadaqa abdi, mon serviteur a dit la vérité, tapissez sa tombe du paradis, ouvrez-lui une porte vers le paradis et faites-lui parvenir une odeur du paradis. Et il verra sa place chaque jour au paradis, sa place qu'il attendra dans l'au-delà. Et à ce moment-là, il aura une joie que personne ne peut imaginer. À ce moment-là, il aura une joie que personne ne peut imaginer. Puis une troisième joie, lorsque lui viendront les délices de la tombe. Lorsque lui viendront les délices de la tombe chaque jour et chaque nuit. Puis une quatrième joie lorsqu'il sera ressuscité. Lorsqu'il sera ressuscité pour comparaître devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'il sera mis sous l'ombre du trône d'Allah tabaraka wa ta'ala. Puis une cinquième joie lorsqu'il y aura le jugement d'Allah tabaraka wa ta'ala. Qui le mettra sous ça, qui le couvrira. Et qui lui fera reconnaître ses péchés. Puis qui lui dira, Satartuha laka fi dunya, wa ana aghfiruha laka al-yawm. Allah lui dira, subhanahu wa ta'ala, suite au jugement, je t'ai couvert tes péchés dans ce bas monde. Et je te les pardonne aujourd'hui. Alors il aura une sixième joie, lorsqu'on lui rendra son livre de sa main droite. Lorsqu'on lui remettra ses feuillets de sa main droite. Il dira, Harum qara'u kitabiyah. إني ظننت أني ملاق حسابية فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. On lui rendra son livre de sa main droite et il ira avec précipitation près de sa famille et il dira, regardez mon livre. Il annoncera la bonne nouvelle de sa réussite. Ensuite il aura une septième joie lorsqu'il va traverser As-Sirat, lorsqu'il va traverser le pont et qu'Allah Azza wa Jal va lui donner sa lumière. Il aura une huitième joie lorsqu'il va boire du bassin du prophète alayhi salatu wa salam. Ensuite il aura une neuvième joie lorsqu'il va atteindre la porte du paradis. Ensuite il aura une neuvième joie lorsqu'il va voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam dépasser tout le monde. Et il sera celui qui frappera à la porte du paradis. Ensuite il aura une neuvième joie lorsqu'on lui dira Udkhulul Jannah, entrez au paradis. Il aura une neuvième joie lorsqu'on lui dira entrez au paradis. Et tout ce que vous avez entendu, mes chers frères, n'est rien devant la joie qu'il aura au paradis. Et on finira sur deux joies qui sont les plus grandes joies qu'aura Ensuite, le croyant dans le paradis aura de nombreuses joies lorsqu'on va avant cela sacrifier la mort. Et on dira, oh vous, on va apporter un bélier et on va dire, oh vous les gens du paradis, est-ce que vous reconnaissez cela? Ils diront, oui, c'est la mort. Et on va dire, oh vous les gens de l'enfer, est-ce que vous reconnaissez cela? Ils vont dire, oui, c'est la mort. Fayudbahul maut. Alors la mort sera sacrifiée. Et on dira, vous les gens du paradis, vous avez à vivre et ne plus jamais mourir. Et oh vous les gens de l'enfer, vous avez à vivre et ne plus jamais mourir. Alors que les gens du paradis seront au paradis, en train de se délecter de ses délices, de ses plaisirs, auprès des leurs, au sein de leur famille. Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jabarut, les appellera et dira, Ya Ahl al Jannah, il dira, oh vous les gens du paradis, voulez-vous une chose que je vous ajoute? Est-ce que vous êtes satisfaits? Et ils répondront, Ya Rabbana, ô notre Seigneur, comment est-ce qu'il pourra en être autrement? Comment ne pas être satisfait alors que tu as blanchi nos visages, alors que tu nous as sauvés de l'enfer, alors que tu nous as accordé le paradis et que tu nous as donné ce que tu n'avais jamais donné à une de tes créatures parmi les mondes. Il dira, je vais vous ajouter une chose. Il dira, je vais vous ajouter une chose. Uhillu alaykum ridwani wa la asrata alaykum abada. Je vous accorde mon agrément et je ne serai plus jamais en colère contre vous. Et je ne serai plus jamais en colère contre vous. Voici un des plus grands bienfaits d'Allah sur ses serviteurs et la plus grande joie que personne ne peut imaginer entrera en lui à ce moment-là. Et il y a une joie qui est au-dessus de celle-ci, mes chers frères. Et il y a une joie qui est au-dessus de celle-ci. Le prophète alayhi salam nous dit, alors que les gens du paradis seront au paradis dans les délices, Allah subhanahu wa ta'ala les appellera, ô vous les gens du paradis, et ils répondront, oui, ô notre Seigneur, nous répondons à ton appel. Et Allah subhanahu wa ta'ala leur dira, Allah, voulez-vous une chose que je vous ajoute, ma promesse? Et ils diront, et que pourrais-tu nous ajouter, ô notre Seigneur, alors que tu nous as accordé ce que tu n'avais jamais accordé? Alors Allah subhanahu wa ta'ala va découvrir son visage. Allah subhanahu wa ta'ala va découvrir son visage. Et les gens du paradis pourront contempler son visage. Et il n'y a pas un bienfait plus énorme que le fait de contempler le visage d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et c'est à ce moment-là que la plus grande joie sera chez les croyants. Et le plus lourd des châtiments pour ceux qui n'ont pas cru en Allah azza wa jal. Le croyant qui a jeûné Ramadan, alors qu'il ne voyait pas Allah, il a cru en lui et a attendu sa promesse, aura la joie du jour du Eid, puis il aura la joie du jour de sa mort, puis il aura la joie dans sa tombe, il aura la joie du jugement, il aura la joie de l'entrée au paradis. Et celui qui veut tout cela, il doit rester régulier après le mois de Ramadan. Et il doit rester constant dans l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وسائر الأعمال اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم متعنا بالنظر لوجهك الكريم اللهم متعنا بالنظر لوجهك الكريم اللهم متعنا بالنظر لوجهك الكريم اللهم اشف مرضانا وارض المسلمين اللهم اشف مرضانا وارض المسلمين اللهم يسر لنا حج بيتك الحرام اللهم يسر لنا حج بيتك الحرام اللهم يسر لنا حج بيتك الحرام والله اعلم وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين Et si les sadaqat durant le mois de Ramadan étaient fortement recommandées, elles le restent tout au long de l'année. Donc dépensez pour la mosquée selon ce qu'Allah Azza wa Jal vous a facilité. Walhamdulillah.